Jeanne est un grand capitaine. Elle avançait lentement, armée de toutes pièces, montée sur son gros cheval noir et carrée à grands coups à la Michel-Ange, la tête nue et les cheveux coupés à la Jeanne d'Arc. Mais c'est aussi une femme, une véritable femme, et c'est une fille de Dieu. Au nom de Dieu et de la femme, elle déteste la guerre, en principe. Avant de répandre le sang, elle tente toutes les chances de paix. Dès son arrivée à Orléans, elle écrit aux Anglois la fameuse lettre « Allez-vous-en ! Jésus-Marie, roi d'Angleterre, et vous, duc de Bedford, Guillaume de la Poule, comte de Suffolk, William Glacidas, Jean, sire de Talbot, et vous, Thomas, sire d'Escale, archer, compagnon de guerre gentil et autres, allez-vous-en de par Dieu en vos pays. Rendez à la pucelle les bonnes villes que vous avez prises et violées en France, sinon il vous en cuira. Je suis chef de guerre, et en quelque lieu que j'atteigne vos gens en France, combat à mort. Je suis venu ici de par Dieu, corps, pour vous bouter hors de toute France, écrit le mardi de la semaine sainte, la pucelle. » Ah, le grand ton, et comme il vous dilate le crâne, la poitrine et les reins. Quelle allégresse dans la menace, quelle santé dans la belle fureur, et comme il sent fort ce mélange de pichenette et de sanguinaires interpellations. C'est bien là la Jeanne d'Arc qui me plaît jusqu'à l'apostrophe, la pucelle qui éclate dans mon cœur. Ah Jeanne, tu es bien l'incarnation de mon rêve, le personnage essentiel de mon drame, et si par chance tu n'avais pas existé, certes je me fusse donné les gants de t'engendrer de toutes pièces. Les Anglois accueillirent ce message avec un mélange de dépit et de rigolade. Ils le trouvaient biscornu, anormal, mais ils y discernaient cette assurance qui toujours trouble. Le ton de la lettre, ce ton du charbonnier, maître chez soi, agaçait ses éternels vainqueurs. Il sait ce qu'il a à faire.